naissance du 8 septembre 2017, je crois, si je ne m'abuse. Et il est environ 21h, comme à son habitude, nuisance commence. Durer car l'éternité c'est pour les nuls. Et les nullards, on les connaît, on les a vus et on est fini d'avance. On est entendument, prétendument. Nosferatu, nous verras-tu le jour, la nuit, l'heure, l'entendement, le mésentendement, l'inentendement. Verras-tu la nomenclature, la dorure, morue, salée. Alors, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un de nomenclaturé dans cette maison de fous, dans cette maison prédestinée à se déblatérer dans les années, plein d'années pustulants et purulents, et tout le temps ce même refrain, pourquoi? ainsi. Ainsi. Ainsi. Ainsi. You're alone, man. There's nobody there. They're all gone insane, you know. Ils sont partis tous. Ils sont partis tous se boire les uns les autres par le 100% con. Et à chaque fois que la biture s'installe dans cette queue-leu, l'on se demande où est la tâcheronne avec ça. Patronymie de bucolique boisson. Et je ne dirai pas d'homonymie en faveur de bistrot, car le bistrot est justement bien nommé un peu de trop de nos jours. À quand le coffee, on s'en fout. Dans un pays comme le nôtre, le fric est roi et reine à la fois. Nia, nia. Vive la France libre et même emprisonnée dans les déplatérances d'une trop commune routine. Thank you.

We have not heard the answers to solutions not quite subrepticely unknown to the most fathered of all the dismites. It's like this, you know, we just gotta know. It's just gotta know. It's just gotta know. So, like, I'm saying something, you know. I'm saying something really important right now. And I'd like to say it again right now. And I'd like to say it again right now. And I'd like to say it again right now. And I'd like to say it again right now. And I'd like to say it again. So dismiss all discrepancies. So dismiss all discrepancies. All mother, all the wholeness of everything. The wholeness of santé, everything. The wholeness of santé, everything. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Ouais. Chin chin. Ouais, ouais. Ouais. Chin chin. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Chin chin. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Chin chin. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Chin chin. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Chin chin. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Have you said anything yet? No way. Have you said anything yet? This. No. Everything way. Is going away. I can tell it's all away. Going away. I can tell it's all away. Going away. Sadly down. Tell it's all away. Going away. Sadly down. Sadly down. Down. Sadly down. Down all the way. Down all the way. All the way. Down all the Vous avez parlé de quoi? Est-ce que tu veux de la bière? Je sais pas, pourquoi pas, mais un petit peu. J'aimerais avoir de la bière un petit peu, s'il te plaît. J'aimerais avoir de la bière un petit peu, s'il te plaît. Un peu de bière. Avoir de la bière un petit peu, s'il te plaît. Un peu de bière. Avoir un peu de bière, s'il te plaît. S'il te plaît. Un peu de bière. Avoir un peu de bière, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, avoir de la bière, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, avoir de la bière, s'il te plaît. Avoir de la bière, s'il te plaît. De la bière. Avoir de la bière. J'aimerais avoir de la bière quelque part, dans un verre peut-être. J'aimerais avoir de la bière quelque part, peut-être ailleurs, peut-être par terre. Si tu veux bien me mettre de la bière par terre, je l'apprêterai. Si tu veux bien me mettre à tes pieds, la bière qui est par terre. Bière. En attendant la mise en bière. J'aimerais de la bière, attendant la mise en bière. Où est de la bière? C'est par ici. Où est de la bière? Something is happening with the high-pitched sounds. Something is happening with haywire sounds. Ouh, on a évité le pire là. On a évité le pire. Le pire est à venir. Le pire est à venir. Le pire est à venir. Le pire est à venir. Le pire est à venir. Le thème de ce soir. Le pire est à venir. Le thème de ce soir, c'est le sesterce. Le thème de ce soir, c'est le sesterce. Le thème de ce soir. On va être riche. Traverse la nomenclature tout en ne la traversant pas, car inopérante, elle ne fait absolument rien à ma nomenclature, la nomenclature, et donc c'est pourquoi je vais disparaître à présent, car je n'ai plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Le courage s'estompe. lassitude s'installe. Plus rien à dire. La lassitude s'installe. Plus rien à dire. La lassitude s'installe. Plus rien à dire. La lassitude s'installe. Plus rien à dire. Et ce n'est pas encore dit que la façon Nance. Et ce n'est pas encore dit que la façon ne permet pas. Ne permettent pas d'entendre les commentaires sous-dits. Tout est relatif. De brillance et de à tel point exceptionnel, subjugant, ouais, sublime, brouillon, brio, merveilleux, probablement meilleure chose, trop bon, c'est du bon, perfection, presque atteinte, ouais, un chef d'œuvre, magnifique, magnificence, et extatique, munifique, science, et prout. Grave, prout, prout. Science. Prout, prout. Elle est tous crevés dans l'espace. Prout. Tous crevés dans l'espace. Prout. Prout. Prout. Tous crevés dans l'espace. Prout. Prout. Allons tous crever dans l'espace. Allons tous crever dans l'espace. Crevant dans l'espace. Allons tous crever dans l'espace. Crevant dans l'espace. Espace. Crever dans l'espace. Prout. Prout. L'espace. Prout. Prout. Santé. Prout. Santé, santé la bière, santé, santé l'année bière. Nouvelle qui débute, santé, santé l'année bière. Nouvelle qui la débute, santé, l'année la nouvelle goûte, qui débute, la goutte, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, you're a bad boy, Al. Now I'm gonna kick you in the ass. I'm gonna hit you. I'm gonna make you suffer. Make you suffer. You need to know. You need to know. So the factual evidence is not to know what you know anymore. What you know anymore. Ce n'est pas ce que tu sais. Ce que tu n'es pas, qui te condamnera à vivre pour l'instant. kill me, please. Tu mettras la facture sur le dos du chèque. Avec la signature et que ça saute. Avec la date et lui approuvée. En conséquence, tu me dois à peu près la vie. Puis-je te frapper maintenant ? Assureur. C'est implicite. Plus les centimes. Les centimes sont pour toi. C'est dans les clauses du contrat. Le contrat est là. Champagne. Champagne écrevisse et homard. Malefactos. Mais ça veut dire quoi ? Qui c'est qui a dit ça d'abord ? Vous êtes des putains d'hérétiques, merde quoi. C'est où l'inquisition quand on a besoin ? C'est lui. C'est nous ? C'est lui. C'est vous quoi. Parce que moi jamais je dirais des trucs comme ça. Penetendi agite, par exemple. Ou subrepticement. Un svaha. Glissé. Krishna. Au passage, c'est. Krish. Crash. C'est une croche critique. Crotoc, Krish. Crotopsie. Botopsie. Botopsie. Je cherche une botoxie dans botoxie. La... Botoxine. Quelle belle toxine, tu vois. Oh. Oh. Si pulpeuse. Je vois les toxines à travers ta peau, elles sont belles. Tu as une bonne toxine. Tu as un bon indice de toxicité, tu supportes les toxines actuelles. Je donne une chance sur deux à la survivance de ton cadavre, de ta situation spatiale et géographique. Spatiale et géographique. Bon, maintenant, on va écouter le concerto numéro 42 brandebourgeois selon Jean-Sébastien Bach, interprété par Electrostart No Disco Noise Mixer à la guitare. Et il vient de commencer. Donc. Walter Carlos. Voilà, nous allons commenter en même temps. Wendy, aka Wendy Carlos. Aka Sissi Spasek, aka Majaratske, aka... Born to be alive. Chose, surtout ne le faites pas. Si quelqu'un a envie de dire quelque chose, surtout ne le faites pas. Ceci est une démocratie. Non, mais la liberté d'expression, attends, on est en France, tu vois, les temps en plus évoluent lentement. Ouais, c'est vrai. Ouais. En plus, voilà, il faut pas lancer des débats de ce genre. Non, c'est vrai. Voilà, il faut pas lancer des débats de ce genre. Non, c'est vrai. Voilà, il faut pas lancer des débats de ce genre. Non, c'est vrai. Voilà. Alors la démocratie, c'est. Je vais me faire foutre. Alors la démocratie, c'est. Je vais me faire foutre. Cause toujours. Si c'est... Je vais me faire foutre. Cause toujours. Cause toujours, Phidias. On t'écoute, pose toujours. Pose toujours, Phidias. On t'écoute, pose toujours. Pose toujours, Phidias. On t'écoute, pose toujours. 40 000. Je ne suis pas une putain de vieille figue. Je ne suis pas une figasse. Je ne suis pas une putain de vieille figue. Je ne suis pas une figasse. Je ne suis pas une putain de vieille figue. Et Phèdre, où as-tu clamsé? T'as des filtres? Non. Non, je n'ai pas de filtre. Je suis désolée. Pas de filtre. J'ai du carton. En cours de livraison, réapprovisionnement. J'ai du en cours de. En acheminement. Réapprovisionnement. J'ai du en cours de la chaîne. Numéro de colis. De la chaîne. 19 numéro A. De colis. De la chaîne. 1858. Le colis est en cours d'acheminement. 1858. Le colis est en cours d'acheminement. 1858. Le colis. Moumouche. Mouche, mouche. Mouche. Penetendi agite. Penetendi agite. Penetendi agite. Penetendi agite. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? On peut rien faire dans cette vie. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? On peut rien faire dans cette vie. J'ai un poil de cul qui me gratte. Un poil de cul qui me gratte. Qui me gratte. Duchesse Marguerite. Oh, oh, oh, oh. Duchesse Marguerite. Oh, oh, oh, oh. N'oublie pas ton tapis à Tahiti. N'oublie pas ton tipi à Tahiti. Priez tant que vous pouvez encore. Ça veut dire que vous êtes encore vivant. Tant que priez. Oh là là. Tant que vous pouvez encore. Ça veut dire que c'est encore vivant. Non mais. Oh là là. Priez quand même. Encore. Oh là là là là là là. Encore. Encore. C'est pas vrai. Encore. Encore. T'as ton manteau? Prends ton manteau chérie, on s'en va. Ton manteau chérie, on s'en va. C'est un film. Français. C'est un film. Bébé, gros bisous, sois sage, chat, écoute ce que le monsieur tue. La fumée de tabac contient plus de 70 substances cancérigènes. Thank you. Il essaie de nous dire quelque chose. Je crois qu'il annonce. Allô, est-ce que vous nous entendez? Non. Vous vouliez parler de quelque chose à propos de... Oui, nous sommes sur le point de rentrer en contact avec des extraterrestres, monsieur le président. Que faisons-nous? Tuez-les tous. Je crois qu'ils essaient de nous dire... Êtes-vous bien sûr de votre décision? Je crois qu'ils nous disent que... Je crois que... Car nous avons la solution. Je crois que... Sur la pointe de la main. À la pointe de la main? Sur le bout du doigt. Sur le bout du doigt, nous avons une solution. Entamez-la, la procédure donc exclusive d'élimination totale de la cible, s'il vous plaît. D'élimination totale de la cible, s'il vous plaît. Le programme de neutralisation sera prévu dans 2 heures. Non, je crois qu'ils essaient de nous dire que... Que quoi? Que peut-être que la communication a été interrompue avec notre correspondante. Eh bien, elle reviendra plus tard, il nous reste 30 secondes avant extinction des feux. C'est... On ne sait pas le message important. La planète est sur le point de déborder. La planète est sur le point de déborder. Sur le point de Faisons-nous exploser le caillou B136. Exploser le agent Clark B136. À genoux. Exploser le agent Clark B136. Exploser caillou. Agent Clark B136. Exploser caillou. Agent Clark B136. Exploser caillou. À genoux. Exploser. Chute, roche. Caillou, à genoux, explosé. Chute, roche. Mourir. C'est donc... Caillou, à genoux, explosé. Chute, roche. Mourir. C'est donc... Caillou, à genoux, explosé. Chute, roche. Le message capital qui changera l'humanité. J'espère que vous m'avez bien reçu, qui changera l'humanité. J'espère que vous m'avez bien reçu, qui changera l'humanité. J'espère que vous m'avez bien reçu, qui changera l'humanité. J'espère que vous m'avez bien reçu, qui changera l'humanité. J'espère que vous m'avez bien reçu, qui changera l'humanité. J'espère que vous m'avez bien reçu, qui changera l'humanité. J'espère que vous m'avez bien reçu, qui changera l'humanité. J'espère que des collègues vers des amis spatiaux, des collègues vers de cette galaxie là, ils sont pas très bien réguliers, les collègues vers de cette galaxie là, ils sont pas très bien, c'est pas de like, c'est pas liker, c'est pas de like. En général, les galaxies elliptiques, c'est toujours la zone. Et like it. Un burger. Les galaxies et like it. Un burger. Hamburger caché, comme caché dans un steak caché, comme caché dans un steak caché, comme caché dans un steak caché. Ouais. Ah. I. Y. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est super, mais c'est super. Ouais, c'est trop, génial, non? Trop contente. Ouais, trop. C'est cool, il y a moins une qui rigole dans l'histoire. Il y a moins une qui se marre. Qui c'est de la rigologie. C'est de la rigologie logique. C'est de la thérapie de groupe. Thérapie de grappe. C'est le moment de grappe. Jamais sur Canal Sud 92 de lancer une chaîne. Une chaîne vivante. De rire. De rire. Chaîne vivante. De rire. Chaîne vivante. De rire. Chaîne vivante. De rire. Chaîne vivante. 92.2. 92.2. 92.2. Et donc, les ondes radio sont comprises dans le space entre les ondes électromagnétiques. On avait empané ce débat la dernière fois, le troisième point, quoi, qui donne le point de vue, mais un point de vue, le troisième point, quoi, qui donne le point de vue, une façon de penser, le troisième point des choses, le troisième point des choses, des vues, des représentations, des schémas, des représentations, des schémas, des abstractions, des abstractions. Mais quand même, il faut... Mais quand même, il faut. Je dirais même plus. Nous n'avons encore rien dit, mais. Je dirais même plus. Il est clair que. Semblerait. Nous n'avons encore rien dit, c'est évident. Semblerait. Évidemment. C'est. Les travaux. C'est. Chose. Carcérale. Intensification. De carcérale. De la rondeur tellurique de la rondeur de la terre de la pègre de la terre des syndicalistes de la terre des syndicalistes partout des syndicalistes pour cette explosion totale d'une heure en grand cette explosion totale d'une heure en grand toujours vers l'ouest totale direction de la nomme toujours vers l'ouest totale direction de la nomme toujours vers l'ouest direction de la nomme toujours vers l'ouest totalitarisme d'idées aussi totalitarisme d'idées aussi. Formes adoptables, des applications possibles, c'est sûr, c'est sûr. Le vent perdu, c'est sûr, c'est sûr. J'ai quelques jours dans l'océan, mais je ne sais plus sous quel cieux j'étais comme offrande au néant, tout un peu de vin précieux qui voulut ta perte aux liqueurs. Que c'est sûr, J'obéis peut-être au devin, peut-être aux soucis de mon cœur, songeant au sang sans le vin. La transparence accoutumée après une rose fumée. De l'hôpital. Aussi pure la mer, perdue sur le couloir gris. Vivre les ondes. J'ai vu bondir dans l'air amer les figures. À l'escalier moisi, descendant la morgue. M'appelle après la destruction. Offrande au néon. Et damné. Ça enlevé. Qui voulut être con, ça en voulait. J'obéis peut-être au devin, peut-être on se lève pas en par là, pour piéger mon âme perceptive, par là, pour piéger mon âme, ce reste la chose que ça t'appelle là, perdu ce vin, livre des ondes, j'ai vu bondir dans l'air amer, je ne souhaitais plus me détester, je ne souhaitais plus me détester, quelques jours dans l'océan, si j'avais trouvé au fond ses lignes, c'est je dis comme offrande au néant, quoi déjà tout un peu de vin précieux, qui voulut ta perte au cœur, j'obéis peut-être au devin, peut-être au souci de mon cœur, songeant au sang versant le vin, transparence accoutumée après une rose fumée, repris aussi pur la mer. Perdu ce vin aussi de calmement observé, et j'y reviens. Les figures du vin, les figures du vin, les figures du vin. Je veux le dire, et ne l'avoue de l'avoir expressément établi. Je veux le dire. Et ne l'avoue de l'avoir voir le mal à la racine pour le dépecer, l'extraire de soi maintenant. Voir le mal à la racine. Je ne l'avoue de dépecer, l'extraire de soi maintenant. Et c'est maintenant qu'on extrait le mal à la racine. Et c'est maintenant qu'on extrait le mal à la racine. Et c'est maintenant qu'on extrait le mal à la racine. Et c'est maintenant qu'on extrait le mal. Ève, jadis, je la surpris parmi ses premières pensées. Ève, jadis, je la surpris. Immesurable. Entrouvertes aux esprits qui naissaient les roses, percées entrouvertes aux. Il est tout. Sorte. Percées entrouvertes aux. Lune, attention. Lune, attention. Qu'est-ce qui se passe? Lune dans les cieux. C'est une rougeur écarlate, brillantissime, écarlate, glissant, brillant, écarlate, humectant le monde glissant. Un soupir rectant le monde glissant. Que se passe-t-il dans ces yeux-là rectant le monde? La sépasse-t-il dans ces yeux lassitude? Dans ces yeux lassitude, suis-je lassant? Le sang-je? Oh non, pas du tout. Ressens-je? Oh non, pas du tout. Je me l'aperçois. Non, mais vas-y, tu me saoules. Grave, mais je me saoule moi-même, vous savez. Oh là. Les mots peuvent. Cette pièce de théâtre qui dure 3h30. Qu'importe, ouais. Éviter ou faire éviter. Sous-titré cambodgien, c'est un vrai calvaire. Mots, Khmer. C'est en cela que la bonté suave. Je me suis ennuyé tout le spectacle. C'est la guerre. Je fais des noix à tout le spectacle. Qui obstrue le reflet sur l'objet sujet. C'est par chercher. Et le silence en prière intervient par l'espace. Autant incréé, infini. Surtout, je vois bien que c'est de bonne qualité, mais j'ai pas compris. Stress imaginaire, fictif, inétabli en soi, car se refusant à l'être. Fictif. Non, mais ce qu'on ferait mieux de faire. Je trouve qu'il jouait mal. Ce serait de jouer le rôle de Jean Désœuvré qui. Une direction artistique. Œuvre à ne pas être dirigé artistiquement et à se. Après, on a laisser. Payer notre bille. Que je déplore, mon. 50% là. Patin, les putes. À ne pas payer. L'argent. Et la mort. Car nous avons aperçu que dans la mort, la solution est là. Sainte. L'absinthe. Et l'étale, je pense. L'absinthe. L'étale. L'absinthe léthalgie. Léthalgie. Je suis en léthalgie. Ouais, moi aussi, je suis en léthargie. Ouais. Léthalgie. Non, c'est pour placer Anna, Al. Pardon. C'est pour placer Al un peu partout, comme anal, hallucinogène, léthalgie, canal sud. Talisman. Talisman. Talisman. Merci, c'est gentil. Ouais, je suis un talisman. C'est pas forcément un compliment, je sais. Si, c'en est un. Parce que ça sort de. Sine qua non, tout ça. Ça sort de la condition sine qua non, tout ça. effectivement. Sine qua non. Sinon. Sinon quoi? Sinon. Taliban. Taliban. Talk. Tal. Mère. PQ. Tal bouddhiste. Tal moudiste. Talmud. Talmud, man. Tal bon mood. Ou tal mauvais mood, en fait. On va plutôt partir sur le mauvais mood et on met plus de chance que je. Donc, les moods et on met plus de chance. Le d'ailleurs, cochon de Gaza. T'as les clés? Le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde de Gaza. De Gaza, des clés? T'as les clés? Les clés, ouais. Ouais, ouais, j'ai les clés. Ouais. Pouvoir... T'as des clés? T'as les clés? Les clés, ouais. Curiser l'esprit. Ouais, j'ai les clés. Ouais. Pouvoir... T'as les clés? T'as les clés? Les clés, ouais. Non, on ne dit pas rien. Dis pousser des pâquerettes sur le toit. Pas rien. Fleurir les micros de guirlandes de Noël. Les Les micros de guirlandes de Noël. Mettre une boule à facette de guirlandes de Noël. Sous le pied. Appuyer doucement en direction du ciel. Appuyer doucement en direction du ciel. Appuyer doucement. La fin du monde. Du miel. La fin du monde. Du miel perçu. La fin du monde. Existentialiste. En miel, la fin du miel. Existentialiste. En miel, la fin du monde en miel. En miel, la fin du monde en miel. En miel, la fin du monde en miel. Et sortons encore une fois vers le bas. Sortons encore une fois de la pierre. Sortons encore une fois de la pierre. Sortons encore une fois de la pierre. Sortons encore une fois de la pierre. De la bière, plutôt crevé. Plutôt crevé l'abcès. Avez-vous un avis? Oui, non, plutôt non, plutôt oui, pas du tout. Peut-être. Non, plutôt non, plutôt oui, pas du tout. Peut-être. Non, plutôt non, plutôt oui, pas du tout. Plutonium. Peut-être. Plutôt non, plutôt oui, pas du tout. Plutonium. Pourquoi pas dire non après? Plutonus. Plutonium. Sur une échelle de 1 à 10, plutôt 1 ou plutôt une échelle de 1 à 10, plutôt 1 ou plutôt une échelle de 1 à 10, 10. Le ça. Le ça. Le ça. Connerie. Le ça. Connerie. Le ça. Thank you.